Le microphone à travers lequel je vous parle est relié à 10 haut-parleurs diffusant ma voix. Le microphone à travers lequel je vous parle est relié à une table de mixage, laquelle est reliée à des haut-parleurs diffusant ma voix. Le microphone à travers lequel je vous parle est relié à un boîtier multipolaire analogique, lequel est relié à un préampli, lequel est relié à un boîtier multipaire numérique, lequel est relié à une table de mixage, laquelle est reliée à un autre multipaire numérique, lequel est relié à 5 contrôleurs amplifiés, auxquels sont reliés 4 haut-parleurs disposés en façade à ma gauche et à ma droite, et 6 renforts de grave diffusant ma voix. Le microphone dynamique Shure SM58 à travers lequel je vous parle pèse 299 grammes, mesure 162 par 51 mm et dispose d'une réponse en fréquence de 50 à 15 000 Hz. Il est fixé dans une pince Shure A25D inclinable, vissé à un pied de micro K et M réglable en hauteur de 900 à 1600 mm et prolongé par un bras télescopique ajustable de 435 à 745 mm. Il est relié par un câble doté d'un connecteur XLR neutrique à un boîtier multipaire analogique fait maison de 24 entrées. À ce boîtier est relié un préampli Yamaha AD8HR mesurant 480 par 383,5 par 45 mm et pesant 25 kg, lequel est relié par des câbles XLR neutrique à un multipaire numérique Texas Pan-C mesurant 44,5 par 484 par 150 mm et pesant 4,5 kg. Ce multipaire est relié à une table de mixage Yamaha PM5D mesurant 1551 par 950 par 283 mm, pesant 98 kg, doté de 56 canaux en entrée et 34 en sortie, laquelle est reliée à un autre multipaire numérique Texas Pan-C, lequel est relié à 5 contrôleurs amplifiés L-Acoustics LA12X, mesurant 483 par 465 par 88 mm, pesant 14,5 kg, ayant une plage dynamique de sortie supérieure à 114 décibels. À ces contrôleurs sont reliés 4 haut-parleurs L-Acoustics K2, mesurant 1338 par 354 par 400 mm, pesant 56 kg et opérant de 35 à 20 000 Hz, et 6 renforts de grave L-Acoustics SB28, mesurant 1300 par 700 par 550 mm, pesant 93 kg et élargissant la bande passante jusqu'à 25 Hz. Ce système de sonorisation est installé dans la salle des fêtes du casino de Montbenon, dont la scène mesure 4 mètres de profondeur et 8 mètres de large. Autour d'elle sont disposés les 10 haut-parleurs diffusant ma voix. Le microphone dynamique Shure SM58, à travers lequel je vous parle, pèse 299 grammes, mesure 162 par 51 mm, dispose d'une réponse en fréquence de 50 à 15 000 Hz et coûte 105 francs suisses. Il a été fabriqué par la marque états-unienne Shure, fondée en 1925 sous le nom de Shure Radio Company par Sidney N. Shure dans l'Illinois. Elle fournit à l'époque des composants radiophoniques aux stations en pleine émergence. Sidney est rejoint en 1928 par son frère Samuel G. Shure et la compagnie est rebaptisée pour l'occasion Shure Brothers Company. En 1932, elle produit son premier micro, le 33N, et en 1937, elle met au point un dispositif médical, le Stéthophone 66A, pour reproduire les sons intracorporels. En 1941, elle fournit des micros à l'armée états-unienne dans le cadre de la compagnie Seconde Guerre mondiale. Le modèle SM58, Studio Microphone 58, est élaboré en 1966. La compagnie compte aujourd'hui plusieurs filiales à travers le monde. Son slogan est « Sound Extraordinary », le son extraordinaire. Ce Shure SM58 est fixé ici dans une pince Shure A25D inclinable, coûtant 6 francs 35, vissé à un pied de micro de la marque allemande K&M, réglable en hauteur de 900 à 1600 mm, prolongé par un bras télescopique ajustable de 435 à 745 mm, écoutant 25 francs 70. K&M, dans sa dénomination complète Koenig et Meyer, a été créé par Karl Koenig et Erich Meyer en 1948 à Wertheim, au premier jour de la République fédérale d'Allemagne, pour fabriquer des pupitres musicaux et des instruments de mesure. En 1954, KM s'associe à Siemens pour lancer la fabrication de pieds de micro. À la fin des années 1960, alors que Martin Koenig succède à son père Karl, la société fabrique des pupitres pour des secteurs autres que la musique, notamment des potences pour intraveineuses ou des supports pour sèche-cheveux, un marché qui s'effondre néanmoins rapidement. Dans les années 1980, la société ouvre une gamme de supports de clavier, de racks et de sièges pour piano. Le slogan de la compagnie est « Stands for Music », un socle pour la musique. Ce pied de micro KM est relié à un câble doté d'un connecteur XLR de la marque Neutrik, coûtant autour de 3,50 francs. Neutrik est une entreprise produisant des connecteurs audio et vidéo, fondée au Liechtenstein en 1975 par Bernhard Weingartner, ancien ingénieur du fabricant d'équipements audio AKG. La compagnie est ensuite devenue un groupe composé de filiales aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, au Japon, en Chine et en Allemagne. Neutrik a amélioré le connecteur XLR inventé par James Cannon de la société Cannon, qu'il a fondé aux États-Unis en 1915. Le premier connecteur Cannon est conçu pour un hachoir à viande portatif, puis rapidement adopté pour le cinéma. Dans les années 1950, Cannon met au point le connecteur XLR pour les communications militaires et l'équipement d'enregistrement sonore professionnel. Il est aujourd'hui un standard universel. L'autre extrémité du câble XLR Neutrik est reliée à un multipair fait maison, auquel est relié un préampli Yamaha ADH et HR mesurant 480 par 383,5 par 45 mm, pesant 25 kg et coûtant 2148 francs suisses. En 1887 au Japon, Torakuzu Yamaha, horloger et réparateur de matériel médical, est sollicité pour réparer l'harmonium d'une école d'Hamamatsu. Yamaha tire parti de cette commande pour établir un plan de l'intérieur de l'harmonium et dessine son propre prototype. Il fonde la même année une manufacture d'orgue qui prend bientôt le nom de Nippon Gaki. Torakuzu Yamaha part aux États-Unis pour apprendre le métier de facteur de piano et, dans les toutes premières années du XXe siècle, commence la fabrication et la vente de pianos, d'harmonica et de xylophones. Yamaha meurt en 1916. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise est contrainte par l'État japonais de fabriquer des hélices d'avion. De 1944 à 1947, elle ne fabrique plus aucun instrument. Après la guerre, elle se diversifie en construisant de nouveaux produits, allant des machines à coudre aux voitures. En 1955, Nippon Gaki est rebaptisé Yamaha en l'honneur de son fondateur et se tourne vers la production de motos. En 1983, la compagnie construit le premier synthétiseur numérique, le Yamaha DX7, qui connaît un grand succès commercial. Aujourd'hui, la société est la plus importante fabrique d'instruments de musique au monde et se situe au premier plan de la vente de semi-conducteurs, d'instruments de musique, de produits informatiques et audiovisuels, robots industriels, articles de sport ou appareils électroménagers. Son slogan est « Make waves, créer ta vibration ». Ce préampli est relié par des câbles XLR Neutrik à un multipair numérique Texas Pan C mesurant 44,5 par 484 par 150 mm et pesant 4,5 kg. Texas est un systémier spécialisé dans l'intégration de composants de systèmes audio. La compagnie a été fondée en Allemagne en 1999 et compte aujourd'hui 12 employés, dont 2 femmes. Son slogan est « Expand your possibilities », augmenter vos possibilités. Ce multipair est relié à une table de mixage Yamaha PM5D mesurant 1551 par 950 par 283 mm, pesant 98 kg, doté de 56 canaux en entrée et 34 en sortie, coûtant environ 40 800 francs suisses. Cette table de mixage est reliée à un autre multipair numérique Texas Pan C, lequel est relié à 5 contrôleurs amplifiés L Acoustics LA12X, mesurant 483 par 465 par 88 mm, pesant 14,5 kg, ayant une plage dynamique de sortie supérieure à 114 décibels, et coûtant environ 10 739 francs suisses chacun. L Acoustics est une compagnie française fondée en 1984 à Marcoussis, initialement sous le nom de C-Heil, T, par le docteur Christian Heil, un physicien en particules élémentaires ayant une passion pour le son. Elle Acoustics se spécialise, selon ses termes, dans les haut-parleurs, l'électronique, les logiciels et les espaces sonores de luxe. En 1989, elle a lancé son premier haut-parleur coaxial pour la sonorisation de haut niveau. En 1992, grâce à la recherche menée par le docteur Heil et le professeur Marcel Urban sur la VST, Wavefront Sculpture Technology, ou sculpture du front d'onde, Elle Acoustics a été pionnière dans les Line Arrays, les systèmes de diffusion composés d'une série de haut-parleurs identiques disposés en colonnes. Elle a développé la fabrication de contrôleurs amplifiés à partir de 2007 et le modèle LA12X en 2016. Son slogan est « We shape the future of sound », nous façonnons l'avenir du son. À ces contrôleurs sont reliés 4 haut-parleurs Elle Acoustics K2 mesurant 1338 par 354 par 400 mm, pesant 56 kg, opérant de 35 à 26 000 Hz, développé en 2014, coûtant 13 800 francs suisses chacun, disposé en façade à ma gauche et à ma droite, et 6 renforts de grave Elle Acoustics SB28, mesurant 1300 par 700 par 550 mm, pesant 93 kg, élargissant la bande passante jusqu'à 25 Hz. Développé en 2007 et coûtant 6 770 francs suisses chacun. Ce système de sonorisation est installé dans le casino de Montbenon, construit en 1908 pour doter la ville de Lausanne d'un lieu de divertissement. Inscrit comme bien culturel suisse d'importance, appelé Casino des étrangers jusqu'en 1919, puis Casino de Lausanne et Casino municipal jusqu'en 1960, il n'a jamais accueilli de salle de jeu d'argent pour ne pas causer de préjudice à la commune, qualifiée au début du XXe siècle de ville d'éducation. 10 mois après son ouverture, le casino a fait faillite. Après la Seconde Guerre mondiale, il est menacé de démolition pendant plusieurs décennies. Finalement rénové en 1981, il accueille la Cinémathèque suisse et racheté par la municipalité en 1984, puis loué à un bar musical nommé le Grand Café qui ferme en 1995. En 2014, la brasserie s'installe dans le casino. La salle des fêtes du casino dans laquelle nous nous trouvons offre une capacité d'accueil de 450 personnes sans mobilier. Sa scène mesure 4 mètres de profondeur et 8 mètres de large. Autour d'elle sont installés les 10 haut-parleurs diffusant ma voix. Le microphone Dynamic Shure SM58 à travers lequel je vous parle pèse 299 grammes, mesure 162 par 51 mm, dispose d'une réponse en fréquence de 50 à 15 000 Hz et coûte 105 francs suisses. Il a été fabriqué par la marque états-unienne Shure, fondée en 1925 sous le nom de Shure Radio Company par Sidney and Shure dans l'Illinois. Elle fournit à l'époque des composants radiophoniques aux stations en pleine émergence. Sidney est rejoint en 1928 par son frère Samuel G. Shure et la compagnie est rebaptisée pour l'occasion Shure Brothers Company. En 1932, elle produit son premier micro, le 33N, et en 1937, elle met au point un dispositif médical, le Stéthophone 66A, pour reproduire les sons intracorporels. En 1941, elle fournit des micros à l'armée états-unienne dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Le modèle SM58, Studio Microphone 58, est élaboré en 1966. La compagnie compte aujourd'hui plusieurs filiales à travers le monde. Son slogan est « Sound Extraordinary », le son extraordinaire. Le SM58 possède un corps en acier moulé, émaillé gris foncé, surplombé d'une grille sphérique en acier argent mat. À l'intérieur se trouve notamment une membrane, un aimant constitué de matière ferromagnétique et une bobine mobile en cuivre. Le Chili est le premier producteur de cuivre, avec 32,2% de la production mondiale en 2013. Pilier de l'économie nationale, le cuivre est souvent appelé le salaire du Chili. En 1971, les mines de cuivre, après une exploitation britannique puis états-unienne, sont nationalisées par le gouvernement de Salvador Allende, un choix politique qui est à l'origine de la croissance économique du pays. Après le putsch militaire, la dictature de Pinochet indemnise les compagnies privées et crée en 1976 la Codelco, compagnie nationale de gestion du développement des mines de cuivre du pays, aujourd'hui la plus importante société productrice de cuivre, devant la société états-unienne Freeport-McMoRan, l'anglo-australienne Rio Tinto et l'anglo-suisse X-Strata. La croissance de la demande mondiale a conduit à augmenter la production et la charge de travail. Compte tenu des conditions de travail et des carences en sécurité de certaines mines chiliennes, de nombreux accidents, souvent mortels, surviennent au cours de l'extraction. Cette augmentation de la production a également un impact écologique en raison des besoins en eau et de la poussière à forte teneur en sulfate engendrée par l'exploitation des gisements. Ce Shure SM58 est fixé ici dans une pince Shure A25D inclinable, coûtant 6,35 francs, vissé à un pied de micro de la marque allemande K&M, réglable en hauteur de 900 à 1600 mm, prolongé par un bras télescopique ajustable de 435 à 745 mm et coûtant 25 francs 70. K&M, dans sa dénomination complète Koenig & Mayer, a été créé par Karl Koenig et Erich Mayer en 1949 à Wertheim, au premier jour de la République fédérale d'Allemagne, pour fabriquer des pupitres musicaux et des instruments de mesure. En 1954, K&M s'associe à Siemens pour lancer la fabrication de pieds de micro. À la fin des années 1960, alors que Martin Koenig succède à son père Karl, la société fabrique des pupitres pour des secteurs autres que la musique, notamment des potences pour intraveineuses ou des supports pour sèche-cheveux, un marché qui s'effondre néanmoins rapidement. Dans les années 1980, la société ouvre une gamme de supports de clavier, de racks et de sièges pour piano. Le slogan de la compagnie est « Stands for Music », un socle pour la musique. Les pieds de micro K&M sont composés de tubes en acier de précision, d'un socle en fonte et de base avec un revêtement en caoutchouc. Les pièces métalliques et plastiques sont fabriquées en interne. La fonte et l'acier sont différents alliages de fer et de carbone. Selon des données de 2013, la Chine est le principal pays producteur de minerais de fer, avec 46% de la production mondiale, ainsi que son principal consommateur. Le prix moyen de la tonne s'élève à 91 francs suisses. Selon la Commission européenne, les exportations chinoises d'acier vers l'Europe ont bondi de 70% depuis 2010, la production européenne chutant dans le même temps de 5% et l'emploi de 11%. Le prix moyen de la tonne est de 549 francs suisses. La production mondiale de plastique augmente régulièrement, passant de 1,5 million de tonnes en 1950 à 359 millions de tonnes en 2018, soit 11,38 tonnes par seconde. La Chine est la plus grande productrice de plastique dans le monde, avec environ 108 millions de tonnes annuelles, suivie par les États-Unis et l'Europe, qui par ailleurs y renvoyaient entre 7 et 9 millions de tonnes chaque année pour recyclage jusqu'au 1er janvier 2018. 75% de la production mondiale du caoutchouc est quant à elle absorbée par le marché du pneu. La Thaïlande était en 2013 la principale productrice d'EVA, dont la sève sert à la fabrication du caoutchouc naturel, avec environ 30% de la production mondiale. Plus d'un million de personnes vivent du caoutchouc en Thaïlande, où il est nommé l'or blanc. L'augmentation de sa production a pour conséquence des effets de déforestation qui s'accompagnent souvent de violations des droits des populations locales, ainsi que des travailleurs et travailleuses. Près de 20% des forêts a disparu, si bien qu'un plan d'urgence a été mis en place pour reboiser le pays via un largage de bombes à graines par avion. Ce pied de micro K&M est relié à un câble doté d'un connecteur XLR de la marque Neutrik, coûtant autour de 3 francs 50 suisses. Neutrik est une entreprise produisant des connecteurs audio et vidéo, fondée au Liechtenstein en 1975 par Bernhard Weingartner, ancien ingénieur du fabricant d'équipements audio AKG. La compagnie est ensuite devenue un groupe composé de filiales aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, au Japon, en Chine et en Allemagne. Neutrik a amélioré le connecteur XLR inventé par James Cannon de la société Canon, qu'il a fondé aux États-Unis en 1915. Le premier connecteur Canon est conçu pour un hachoir à viande portatif, puis rapidement adopté pour le cinéma. Dans les années 1950, Canon met au point le connecteur XLR pour les communications militaires et l'équipement d'enregistrement sonore professionnel. Il est aujourd'hui un standard universel. L'autre extrémité du câble XLR Neutrik est relié à un multipaire fait maison auquel est relié un préampli Yamaha AD8HR mesurant 480 par 380,5 par 45 mm, pesant 25 kg et coûtant 2148 francs suisses. En 1887 au Japon, Torakuzu Yamaha, horloger et réparateur de matériel médical,

le groupe Bunkray qui distribue ses produits dans plus de 99 pays chaque jour. L'entreprise comprend de plus de 230 salariés travaillant à la production, à la recherche et au développement de ses produits. L'ensemble du groupe présente un chiffre d'affaires en 2020 de 177,24 millions de dollars, soit 162,64 millions de francs suisses. Son comité exécutif est exclusivement masculin et blanc, avec Marcel Gstöhl comme président directeur général, par ailleurs candidat en 2017 aux élections législatives du FPP, parti politique conservateur et réactionnaire du Liechtenstein, Ostaner comme vice-président, Chris Dehling comme CSO Group Management, Thomas Eberle comme COO Group Management, René Kleiner comme CTO Group Management et Lucas Bischoff comme CFO Group Management. Neutrik a amélioré le connecteur XLR inventé par James Cannon de la société Cannon, qu'il a fondé aux États-Unis en 1915. Le premier connecteur Cannon est conçu pour un hachoir à viande portatif, puis rapidement adapté par le cinéma. Dans les années 1950, Cannon met au point le connecteur XLR pour les communications militaires et l'équipement d'enregistrement sonore professionnel. Il est aujourd'hui un standard universel. L'autre extrémité du câble XLR Neutrik est relié à un multipair fait maison auquel est relié un préampli Yamaha AD8 HR mesurant 480 par 383,5 par 45 mm, pesant 25 kg et coûtant 2148 francs suisses. En 1887 au Japon, Torakuzu Yamaha, horloger et réparateur de matériel médical, est sollicité pour réparer l'harmonium d'une école d'Amamatsu. Yamaha tire parti de cette commande pour établir un plan de l'intérieur de l'harmonium et dessine son propre prototype. Il fonde la même année une manufacture d'or, qui prend bientôt le nom de Nippon Gaki. Torakuzu Yamaha part aux États-Unis pour apprendre le métier de facteur de piano et dans les toutes premières années du XXe siècle, commence la fabrication et la vente de pianos, d'harmonica et de xylophones. Yamaha meurt en 1916. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise est contrainte par l'État japonais de fabriquer des hélices d'avion. De 1944 à 1947, elle ne fabrique plus aucun instrument. Après la guerre, elle se diversifie en construisant de nouveaux produits, allant des machines à coudre aux voitures. En 1995, Nippon Gaki est rebaptisé Yamaha en l'honneur de son fondateur et se tourne vers la production de motos. En 1983, la compagnie construit le premier synthétiseur numérique, le Yamaha DX7, qui connaît un grand succès commercial. Aujourd'hui, la société est la plus importante fabrique d'instruments de musique au monde et se situe au premier plan de la vente de semi-conducteurs, produits informatiques et audiovisuels, robots industriels, articles de sport ou appareils électroménagers. Son slogan est « Make waves, crée ta vibration ». La multinationale Yamaha revendique comme raison d'être de sa réussite économique un attachement à une philosophie propre articulée en quatre axes. Une expérience des consommateurs et consommatrices guidée par le plaisir, la beauté, la confiance et la découverte. Un esprit d'entreprise attaché à la performance et au partage des passions. La qualité Yamaha portée par l'excellence, l'authenticité et l'innovation. Et la méthode Yamaha impliquant le désir des consommateurs et consommatrices. L'intégrité, l'initiative, le défi et l'engagement. La société japonaise dans le ciel social est située au 10-1 Nakazawa-sho, Nakaku, Amamatsu-shi à Shizuoka au Japon. Est aujourd'hui dirigée, et ce depuis 2013, par Takuyu Nakata. Elle présente un chiffre d'affaires en 2020 de 414,2 milliards de yens, soit 3,46 milliards de francs suisses, ainsi qu'une capitalisation boursière de 1,14 milliard de yens, soit 9,5 millions de francs suisses. Le cours de l'action étant au jour d'aujourd'hui de 58,47 francs suisses. Sa seule branche audio affiche en 2020 des ventes pour 114,4 milliards de yens, soit 952 millions de francs suisses. Dans son rapport d'exercice annuel daté de 2020, les pages 100 à 103 sont dédiées aux performances fiscales et évaluent l'impact sur l'économie du groupe et de la pandémie de la Covid-19, mais aussi des frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis et de leurs mesures respectives de protectionnisme, entraînant de légers ralentissements de croissance, néanmoins maintenus à 11,2%. Ce préampli est relié par des câbles XL Neutrik à un multipair numérique Texas Pansay mesurant 44,5 par 480 par 150 mm et pesant 4,5 kg. Texas est un systémier spécialisé dans l'intégration des composants de systèmes audio. La compagnie a été fondée en Allemagne en 1999 et compte aujourd'hui 12 employés, eux dont 2 femmes. Son slogan est « Expand your possibilities », augmenter vos possibilités. Texas promet un service individualisé, humain, transparent, coopératif. Son siège social se situe à Autorannstrasse 20 à 50351 Kurt en Allemagne. Elle présente un chiffre d'affaires en 2020 de 1,14 million de dollars, soit 1,04 million de francs suisses. La société a pour directeur général Guido Heller et pour CEO Jürgen Valtin. Ce multipère est relié à une table de mixage Yamaha PM5D mesurant 5551 par 950 par 283 mm, pesant 98 kg, doté de 56 canaux en entrée et 34 en sortie coûtant environ 40 800 francs suisses. Les résistances transistors et autres amplificateurs de la table de mixage comprennent du nickel, du silicium, des tiges de céramique, de l'oxyde d'aluminium, de l'indium et du mercure. Les Philippines sont le principal pays producteur du nickel avec 18% de la production mondiale en 2014. Le nickel est le plus allergisant de tous les métaux et il est classé par le Centre international de recherche sur le cancer parmi les substances possiblement cancérigènes pour l'espèce humaine. L'indium est un élément rare obtenu par électrolyse à partir du zinc dont la production mondiale s'est élevée en 2010 à 12 millions de tonnes. Cette production est assurée essentiellement par la Chine à raison de 29,2%. Cette dernière est également la première productrice mondiale de silicium avec 4,5 millions de tonnes en 2016. Après différentes étapes de purification et d'importants déchets, peu de matières sont finalement conservées pour la fabrication de cellules photovoltaïques et de composants électroniques. Le processus implique par ailleurs l'utilisation de centaines de milliers de tonnes de chlore, d'acide et de solvants divers. Cette table de mixage est reliée à une autre multipère numérique Texas Pan C, lequel est relié à 5 contrôleurs amplifiés et l'Acoustics LA12X, mesurant 483 par 465 par 88 mm, pesant 14,5 kg, ayant une tâche dynamique de sortie supérieure à 114 décibels et coûtant environ 10 739 francs suisses chacun. L'Acoustics est une compagnie française fondée en 1984 à Marcoussis, initialement sous le nom de CRAMT, par le docteur Christian Heil, un physicien en particulier élémentaire ayant une passion pour le son. L'Acoustics se spécialise, selon ses termes, dans les haut-parleurs, l'électronique, les logiciels, les espaces sonores de luxe. En 1989, elle a lancé son premier haut-parleur coaxial pour la sonorisation de haut niveau. En 1992, grâce à la recherche menée par le docteur Heil, le professeur Marcel Urban sur la VST, Wave Front Sculpture Technology ou Sculpture du Front d'Onde, L'Acoustics a été pionnière dans les Line Arrays, les systèmes de diffusion composés d'une série de haut-parleurs identiques disposés en colonnes. Elle a développé la fabrication de contrôleurs amplifiés à partir de 2007 et le modèle LA12X en 2016. Son slogan est « We shape the future of sound », nous façonnons l'avenir du son. Elle compte aujourd'hui 500 employés dans le monde entier et un quart des chefs d'équipe sur son site industriel sont moins de 30 ans. Elle affirme que ses produits sont utilisés par la moitié des 20 plus grands festivals musicaux internationaux. Elle produit 50 000 haut-parleurs et 10 000 produits électroniques par an. Ses quartiers généraux sont situés à Los Angeles, Westlake Village, Londres, Paris, Saguenay et Singapour. 12 personnes composent son bureau exécutif, dont une femme. Son président est Christian Heil, le CEO du groupe Hervé Guillaume et le CEO de L'Acoustics, Laurent Bessé. Le chiffre d'affaires de L'Acoustics en 2020 s'est élevé à 61,66 millions de dollars, soit 56,58 millions de francs suisses. À ces contrôleurs sont reliés 4 haut-parleurs, L'Acoustics K2 mesurant 1338 par 354 par 400 mm, pesant 56 kg, opérant de 35 à 20 000 Hz, développé en 2014, coûtant 13 800 francs suisses chacun. Le papier utilisé pour les côtes des haut-parleurs est composé de bois et de fibres, dont le capoc, une fibre végétale, des cires, des fongicides et certaines résines. D'autres matériaux sont utilisés, tels le polypropylène. Un coach peut être fait de papier de cellulose, auxquels sont ajoutés des fibres de carbone, de kevlar, de verre, de chanvre ou de bambou. Le principal fournisseur de l'aluminium contenu dans les haut-parleurs est la société canadienne Rio Tinto Alcan, une filiale du groupe minier multinational anglo-australien Rio Tinto. L'aluminium constitue la première activité du groupe en volume. Il a généré environ 40% du chiffre d'affaires en 2008. Le fer représente quant à lui 28% du chiffre d'affaires et Rio Tinto est, avec BHP, Billiton et Vale, l'un des trois groupes qui dominent le marché mondial sur ce minerai. Parmi les autres domaines d'activité du groupe figurent notamment le charbon et le cuivre. Ces haut-parleurs sont disposés en façade à ma gauche et à ma droite et complétés par 6 renforts de gravats électroacoustiques ST28, mesurant 1300 par 700 par 750 mm, pesant 93 kg, élargissant la bande passante jusqu'à 25 Hz et développé en 2007, coûtant 6 770 francs suisses chacun. Ce système de sonorisation s'inscrit dans un ensemble d'équipements dans la location durant le festival, mais aussi l'achat pour certains éléments techniques, représente un coût total de 25 000 francs suisses. La performance que vous écoutez actuellement, intitulée Fiche technique, représente quant à elle un coût de production de 4 328 francs suisses, dont 735 francs suisses de rémunération pour chacun et chacune des 5 artistes des sirènes. Elle a été créée à l'occasion de la présente et par ailleurs 20e édition du Lausanne Underground Film and Music Festival, ci après nommé LUF. dont le budget s'élève cette année à 357,412 millions francs suisses, répartis en frais de fonctionnement 135,264,12 francs suisses, de communication 35,200 francs suisses et de production 186,146 francs suisses. De son la page Wikipédia du festival, le but premier du LUF est de présenter des films inconnus, des circuits de diffusion grand public souvent expérimentaux. Les projections qui ont lieu en journée et en soirée sont suivies la nuit d'événements musicaux animés par des artistes proches de la scène underground. Avec une programmation internationale, rendant notamment hommage à des grands noms de la scène underground, la renommée du LUF dépasse désormais largement les frontières suisses et européennes. Le festival embauche 5 personnes à l'année pour un salaire annuel de 1483 francs suisses sur les postes d'administration, Marie Clay, de communication, Eugénie Constantin et Jennifer Sigrist, de production, Martira Patonelli, ainsi qu'une assassin de crèche, Anouk Riben. La programmation artistique comprend un seul poste rémunéré à l'armée à l'honneur de 12 000 francs suisses et occupé cette année par Dimitri Meyer. L'ensemble des charges sociales de ces postes annuels représente une dépense de 7,685 francs suisses. À ces frais de personnel s'ajoutent ceux plus ponctuels de rémunération des techniciens et techniciennes sont pour 500 francs suisses, tandis que nombre de tâches sont assurées par une équipe de bénévoles dont le logement, le transport et le catering avoisinent un coût de 6 000 francs suisses. Les cachets des musiciens, musiciennes et artistes s'élèvent à un total de 20 000 francs suisses, dont seulement 5,6% du sujet total de l'événement, auquel il convient toutefois d'ajouter 20 300 francs suisses de transport, logement et catering. 650 francs suisses de frais de loge et 3500 francs suisses de reversement de droits. La communication représente environ 10% du budget. Outre une radio FM dédiée au festival, LUF FM, diffusant sur la fréquence FM 105 pour un coût de 3000 francs suisses, des publicités annonçant la venue du festival ont notamment été prises dans plusieurs émissions du journal Le Temps, rachetées des lignes d'animateurs pour trajet Axel Springer pour la fondation Aventinus, soutenue par les fondations Hans Wilsdorf, Lennartz, par ailleurs donatrice du festival, et Yann Misalski, ainsi que par des banques privées. D'autres publicités ont été diffusées dans des médias comme Le Courrier, Soraya Komazib, Kipling, Bonsai et Radio Vostok pour un budget total de 3000 francs suisses, tandis qu'un affichage publicitaire imprimé par Spoutnik ont agréé et déployé dans la ville de Lausanne et ses environs par la SCGA, Société Générale d'Affichage, et l'entreprise Affichage Vert, a été mise en place pour un montant de 5000 francs suisses. Un hébergement internet de développement et de publicité en ligne représente quant à eux une dépense de 3500 francs suisses, auquel s'ajoutent 700 francs suisses de souscription pour des comptes professionnels sur le site de visionnage vidéo Vimeo et la plateforme marketing Mailchimp. 20 000 francs suisses ont été également provisionnés pour les honoraires des graphistes, des impressions et des distributions de flyers, mais aussi pour la prise en charge des voyages de journalistes susceptibles d'écrire des chroniques et recensions sur cette édition. Chaque année, 5 000 litres de boissons sont consommés durant le festival pour un montant de 15 000 francs suisses, apportant en retour 20 000 francs suisses de recettes, tandis que celles provenant de la billetterie et des workshops s'élèvent à 25 000 francs suisses. Le festival paye une assurance de 1 000 francs suisses auprès de la Société des assurances immobilières, qui est la plus ancienne compagnie d'assurance privée de Suisse aujourd'hui constituée en holding et qui opère exclusivement en Suisse et au Liechtenstein. Les dépenses pour la sécurité s'élèvent quant à elles à 7 000 francs suisses, comprenant la location de divers matériels comme des radios, des gilets, des lampes et des barrières, ainsi que le défraiement des équipes de nuit à hauteur de 500 francs suisses par personne pour la semaine. Le service de nettoyage, d'un coût total de 2240 francs suisses, est assuré par la société MobileNet, fondée en 2012, dotée d'un capital de 20 000 francs suisses et basée à Renon. Enfin, le festival paye 3500 francs suisses d'autorisation et d'impôts sur le divertissement à la ville de Lausanne, la billetterie entraînant, elle, des frais d'exploitation à hauteur de 2500 francs suisses. Les principaux financeurs du festival sont d'une part le service de la culture de la ville de Lausanne, présenté depuis 2016 par le syndic affilié au Parti socialiste suisse Grégoire Junot, et d'autre part la loterie romande avec des subventions respectives de 125 000 et 100 000 francs suisses. La loterie romande est une société d'utilité publique qui assure l'organisation et l'exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs sur l'ensemble du territoire des 6 cantons romands. Elle est dirigée depuis 2007 par Jean-Luc Monet-Babet, à l'origine de l'entrée de la loterie romande dans la loterie transnationale Euromillions. La loterie romande distribue l'entièreté de ses bénéfices à des associations sans but lucratif. Elle se distingue pour avoir introduit en 1978 le premier billet à gratter en Europe avec résultat instantané. 0,5% de ses revenus sont destinés à la prévention du jeu pathologique, dont les troubles toucheraient 2% des adultes. Le festival est également financé à hauteur de 30 000 francs suisses par le canton de Vaud, où le Parti libéral radical, PLR, possède le plus grand nombre de députés, 49, au sein de la législature du Grand Conseil élu jusqu'en 2022. Considéré comme se situant à la droite du centre, ce parti affiche comme valeur la responsabilité individuelle, la compétitivité et les finances publiques saines. Le festival reçoit par ailleurs des dons et subventions de différentes fondations et organismes pour des montants allant de 1 000 à 10 000 francs. Parmi les fondations qui soutiennent le LUF et qui, en tant qu'elles sont reconnues d'utilité publique, bénéficient d'une exonération d'impôts et de la défiscalisation totale de leurs dons, on peut citer Sando, firme pharmaceutique suisse, notamment connue pour la catastrophe Tchernobyl de 1986 et pour avoir inventé de manière accidentelle le LSD en 1938. La fondation Lennartz, créée par le couple Antoine et Rosie Lennartz, aujourd'hui décédée dont la fortune initiale, ou dit autrement l'accumulation primitive, provient d'un empire industriel basé sur la commercialisation de capsules et qui, bouchons couronne, dont le brevet était tombé dans le domaine public et de bouchons en Liège. La fondation Nicati de Luz, fondée en 1965 par Jamel Nicati de Luz, dont la famille a fait fortune à travers les siècles, entre autres dans le secteur bancaire et le négoce de vin et de toffe, et dont aide finance spécifiquement cette performance. Ou encore Proscientia et Arte et Proelmesia, notamment connue pour sa politique de soutien au rayonnement de la culture suisse à l'étranger. Le LUF a lieu dans le casino de Montbenon, construit en 1908 pour doter la ville de Lausanne d'un lieu de divertissement, inscrit comme bien culturel suisse d'importance, appelé casino des étrangers jusqu'en 1919, le casino de Lausanne, casino municipal en 1960. Il n'a jamais accueilli de salle de jeu d'argent pour ne pas causer de préjudice à la commune, qualifié au début du XXe siècle de ville d'éducation. Mois après son ouverture, le casino a fait faillite. Après la Seconde Guerre mondiale, il est menacé de démolition pendant plusieurs décennies. Finalement rénové en 1981, il accueille la cinémathèque suisse et est acheté par la municipalité en 1984, puis loué à un bar musical nommé le Grand Café qui ferme néanmoins en 1995. En 2014, la brasserie s'installe dans le casino. Avant la crise sanitaire, plus de 300 000 personnes le fréquentaient chaque année, dont 1500, 150 000 pour les événements culturels, 150 000 pour la brasserie et 20 000 pour la cinémathèque. La scène fête du casino dans laquelle nous nous trouvons offre une capacité d'accueil de 450 personnes sans mobilier. Elle est louée au tarif habituel de 1630 francs suisses par jour. Sa scène mesure 4 mètres de profondeur et 8 mètres de large et dispose d'un revêtement en bois verni. Autour d'elle sont installés des lits haut-parleurs diffusant ma voix.